Ok. Ok, c'est F et L, je vais t'expliquer ma life vite fait. Tout s'est bien passé jusqu'à la quatrième primaire. C'est là que j'ai doublé pour la première fois. Et ouais, ça m'a troublé, ouais, c'est peut-être dur à croire. Ensuite, mes parents m'ont changé de school. Non, c'était pas marrant, non, je trouvais pas ça cool. Hélas pour moi, il y avait deux Florian dans la classe. Tu sais ce que ça fait d'avoir un number après son place. Bref, j'ai réussi mon CEB. Je rentre en humanité, peut-être encore trop de B. Et première année, j'ai eu des examens de passage. L'année suivante, je commence à ronger des façades. Je rencontrais ce Y et ce N, Lionel. Cette année-là, ouais, c'était le bordel. Dans les soirées, toujours accompagné d'hostiles. Je changerai jamais mon vécu contre une autre vie. Cette année-là, je rencontre aussi Ewa. Genre le Posca, t'inquiète, je fais gaffe. Je rate ma deuxième année, ça, je m'en doutais. Mon père me dit, si tu fous rien, ici, tout se paye. Je me souviens des soirées S2R à la HVZ. Les premiers pitchs de BR au premier 16. Finalement, je réussis ma deuxième piste. C'est à ce moment que je me dirige vers l'artistique. Ma troisième, je la réussis en pétant de rire. Ma quatrième, je la rate en pétant de rire. Au final, j'ai recommencé avec succès. Mais je me suis attiré, ouais, que des ennuis. J'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi, je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. J'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi, je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. Ensuite de cette école, je me suis fait rêver. Flo, tu déconnes, tu fous en l'air ta vie. Tu fais pas d'efforts, jamais t'étudies les sermons des profs. Je l'ai trouvé très chim, puis je fais ma cinquième en infographie, accompagné de SEN à René Cartini. Ouais, cette école, c'était de la merde, je la trouvais trop pourrie. J'arrêtais avec Samuel après 3 mois et demi. Bref, après j'ai un peu taffé par-ci par-là. Ok, puis ça fait qu'enchaîner freestyle smile. Trop frais, puis on a rencontré Shonash Cabron Turkish. Tu connais le QG, 7ème étage forêt est. Mais je garderai des souvenirs. Mais l'année passe, fini le 7ème étage. Fini toutes ces crasses, fini toutes ces barres. Et là j'en perds mon sourire. C'est là que je retourne chez mes remparts. À la school, je fais mon comeback. 21 ans en 5ème, ouais, c'est comme ça. Toi qui m'écoutes, tu dis que cette fois-ci je vais réussir, mais trop pas. J'ai pas fait assez d'efforts pendant l'année. J'ai cru qu'au contrôle, je pète ses scores et que ça passerait. Non, franchement, dis-moi comment ta F pour rater ton année trop dégoûtée pour écouter. Je me renferme dans la def parce que j'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi, je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. J'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi, je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. J'ai fait des cours du soir, mais ça m'a pas plu. J'arrêtais encore une fois, car fallait de la thune. J'ai tapé dans le nettoyage, dans les crasses qui puent. Après de CDD 3 mois, ils m'ont têche ces putes. Maintenant je vaux rien. Je vais reprendre les cours même si j'ai pas envie. Je fume trop de joint, j'ai attrapé une sale hygiène de vie. C'est Fellow le fêlé, voilà c'était ma petite story. Pour les potos que j'ai oublié, c'est maintenant que je casse tes dits. C'est pour user, jamais je n'oublierai toutes ces soirées où on voulait tout ronger, on taguait comme des tarés. C'est pour Arroise, c'est avec lui que je me suis fait pécho. Dans le Jax, on avait raflé flics, ils étaient chaud. Je me souviens toutes les soirées avec ta Twingo. T'inquiète, j'ai pas oublié, c'est pour Alessandro. Y'a aussi des sales souvenirs que je n'oublierai pas. Dans le chat, tu vas réussir. Ça c'est pour Lucas. Ouais, ça fait grave un petit temps, ouais, que t'es parti. Avec toi j'avais des moments beaucoup trop magiques. Avec l'exutoire on tape la fusion. Avec la new génération ça m'a fait grandir dans son. Après le 7ème étage j'attends toujours vos appels. Ouais, qu'il reste que Shonash, ça me fait de la peine. Tout ce que je peux vous souhaiter c'est de trouver le bonheur. Désolé pour ce que j'ai fait, toutes mes erreurs. Parce que j'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. J'ai fait les mauvais choix, ouais, au bon moment. J'ai déçu mes remparts dans mon comportement. Mais moi je ne regrette pas tous ces bons moments. Passés avec mes gars, j'en oublierai sûrement. Avec mes gars, j'en oublierai sûrement.